Sens que tu vas mal finir. C'est vrai que des fois je déraille. J'suis bien que sur un engin, cuir noir, casque intégral. Mais bon vato, tu sais je suis ce que je suis. Alors je cours, j'sais toujours pas ce que je fuis. Une chose est sûre, fuck la maison d'arrêt. Chaque vie est une série, j'verrai pas la saison d'après. J'ai du sang sur les blazers. Désolé si je t'ai baisé, que je me souviens plus de ton blazer. Enfin bref, en vrai je suis pas désolé. Les trois quarts sont des tasses, le monde est comme ça désormais. Je me dis que je serai heureux avec v'là la maille. Je réfléchis à des plafards quand je marche dans la night. Nouveau plan, nouveau bise, nouvelle puce, nouvelle nuit, nouveau jour, nouvelle nuit, nouvelle pute. Tu resteras le même jusqu'à ce qu'il t'arrête. J'ai répondu demain c'est loin, enfin à ce qui paraît. On va pas se mentir, je vais pas te dire, je suis choqué. J'ai vu des embrouilles de lâches, des frères chuchotés. Je marche avec le diable, mais ne cours qu'après Dieu. Faut de tout pour faire un monde, enfin ça d'après eux. Je suis né un jour de pluie et ça m'étonne pas vraiment. Si je te demande si ça va, s'il te plaît, réponds carrément. Parce que j'ai pas envie d'écouter. Faire semblant que ça m'intéresse pour finalement te couper. L'impression que chaque jour se répète. Je me dis que mourir jeune et riche, tu me parles dans le dos, se répète. Moi je fais ni pompe, ni développe et couché. Sachant que n'importe qui se couche au contact d'une cartouche de pompe. J'ai vu des tasses en le fret, c'est même tasses à coucher. Bref, une pute, ça reste une pute, ne prends pas pour des cons.